mort pour venir acheter cercueil en or. N'attendez pas ma mort pour venir faire cotisation. Aidez-moi pendant que je suis encore en vie. Achetez-moi médicaments pendant que je suis souffrant. Donnez-moi nourriture pendant que je souffre faim. Acheter cercueil en or. N'attendez pas ma mort pour venir faire cotisation. Aidez-moi pendant que je suis encore en vie. Achetez-moi médicaments pendant que je suis souffrance. Donnez-moi nourriture pendant que je pleure faim. J'ai mon frère grand commerçant et Bampangé. Il fait transport. Lomé Ouagaé. Ouagalomé. Il a beaucoup d'argent. Quand je lui demande, il répond, dis-moi, aïe, petit frère, il n'y a pas d'argent, aïe. Ah, le monde, c'est compliqué, hein. Attention, attention, ça va chauffer.